Job chapitre 42. Alors Job répondit à l'Éternel, et dit, je sais que tu peux tout, et qu'on ne te saurait empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui-ci, as-tu dit, qui, étant sans science, entreprend d'obscurcir mon conseil? J'ai donc parlé, et je n'y entendais rien, ces choses sont trop merveilleuses pour moi, et je n'y connais rien. Écoute maintenant, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'enseigneras. J'avais vu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir ainsi parlé, et je m'en repens sur la poudre et sur la cendre. Or, après que l'Éternel eut dit ces paroles à Job, il dit à Eliphaz, Thémanite, ma fureur est embrasée contre toi, et contre tes deux compagnons, parce que vous n'avez pas parlé droitement de moi, comme Job, mon serviteur. C'est pourquoi, prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, et allez vers Job, mon serviteur, et offrez un holocauste pour vous, et Job, mon serviteur, priera pour vous, car certainement j'exaucerai sa prière, afin que je ne vous traite pas selon votre folie, parce que vous n'avez pas parlé droitement devant moi, comme a fait Job, mon serviteur. Ainsi Eliphaz, Thémanite, et Bilda, Suite, et Tsophar, Naamathite, Mar, et firent ce que l'Éternel leur avait commandé, et l'Éternel exauça la prière de Job. Et l'Éternel tira Job de sa captivité, quand il eut prié pour ses amis, et il rendit à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Aussi tous ses frères et toutes ses sœurs, et tous ceux qu'il avait connus auparavant, vinrent vers lui, et mangèrent avec lui dans sa maison, et lui ayant témoigné qu'il compatissait à son état, ils le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun d'eux lui donna une pièce d'argent, et chacun une bague d'or. Ainsi l'Éternel bénit le dernier état de Job plus que le premier, tellement qu'il eut 14 000 brebis, et 6 000 chameaux, et 1000 couples de bœufs, et 1000 ânes. Il eut aussi 7 fils, et 3 filles. Et il appela le nom de l'une Jemima, et le nom de l'autre Ketsia, et le nom de la troisième Kéran Apush. Et il ne se trouva point dans tout le pays de si belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna héritage entre leurs frères. Et Job vécut après ces choses-là 140 ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la quatrième génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours.